flair de ma plume ou bien de mon stylo. J'ai trouvé mon style pour écrire des mots. Des mauvaises saisons, des mauvaises soirées que je passe sans ton odeur qui sentait bon l'été. Flair de ma plume ou bien de mon stylo. J'ai trouvé mon rythme pour écrire un slow qui je pensais te plairait. T'es parti pleurer et moi de l'autre côté de ma feuille de cahier. Je me suis dit ça y est, sans toi je vais me les cailler. Flair de ma plume ou bien de mon stylo. Je trace ma route, chacun son chemin, rempli de doutes, sac à dos entre les mains. Fini les câlins du matin où on s'en voûtait, où on s'en foutait. Au flair de ma gomme, j'efface le tome qui se termine ce soir, intitulé « Quand règne le désespoir ». Au flair de ma peine et de mon regard, je ferme la porte, emportant notre histoire. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi une chance de la retrouver. Si demain le passé me tourne le dos, je passerai ma vie à ne plus respirer. Au flair de mon crayon de bois, sans toi, l'avenir se dessinera. Des signes apparaissent comme quoi l'on s'était trompé. Je me résigne à laisser tomber, bébé. Ton rire était mon préféré. Au flair de ma plume ou bien de mon stylo, je sais que le futur sera moins rigolo. Aux pleurs qui s'accumulent, tôt ou tard, j'arrêterai d'y croire. Au clair de la lune, ami Pierrot, prête-moi une chance de la retrouver. Si demain le passé me tourne le dos, je passerai ma vie à ne plus respirer, à ne plus respirer, à ne plus respirer. Je passerai ma vie, je passerai ma vie.